tu viens d'où? 15 coups dans la gueule, j'ai la main lourde, je déterre ta grand-mère et la viole comme une chienne. Et si t'es pas content, je viole ton père. Prêt pour la douche, je te pisse dessus et je te brise le cul. Petit fils de pute, je te fiste, nul ne te crispe plus. Hey, hey, hey, oh, oh, vulgaire et comme la chatte à ta meuf. Ramène tout ton clan et ta mère à la cave. Prêt pour la tournante, je te fais un nouveau frère. Ne pleure pas, pédale de merde, c'est mortel, c'est le bordel. Écrase le plug et protège tes seufs, c'est la guerre. Espèce de petit bâtard, n'aie pas peur et crève. Petit à taille, que des bâtards de barbares. Je suis une bombe humaine dans une maternelle. Un cutter dans le cœur de ton paternel. J'ai mis ta mère en vente sur internet. Et je fais tapiner ta sœur, on vient materner. Coupe dans le sel, pompe sur la tempe. Monte en terre, pédale de merde, j'appelle. À la haine, au meurtre, au viol et à la tuerie, au massacre. À la furie, on n'a pas que des patates. La fête commence, tourne, chante, lève ton pied pour la danse. Comme bonhomme carnaval, c'est dans le temps du carnaval que tous les chants du monde viennent faire un tour de bal dans la vieille capitale. Et la fête commence. Jacques Labrec. Mais non, oui, Jacques, le grand Jacques Labrec. C'est pas Jacques Brel, non, c'est Labrec. Il n'y a pas juste un Jacques sur la planète, là. Quoique Jacques n'est plus trop sur la planète, ni Brel, ni l'autre, là, mon ami, Labrec. Ils sont en haut. Et c'est pour ça que nous allons peut-être les retrouver dans quelques minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Je tiens à dire aux auditeurs que ce n'est pas le délire. Qui? Leur délirium, délirium, délirium, délirium, délirium, délirium. La langue commence à... Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, dites pas ça, M. Tremblay, c'est pas vrai. C'est quoi, c'est... Ben, c'est... Vous m'entendez? Oui, je vous entends, M. Tremblay. Ça va bien, vous? Les enfants vont bien? Bon, la famille? Bon, la belle Ghislaine. Ghislaine Tachereau. Et on l'a vu avant-hier. Oh mon Dieu, quelle belle femme, hein? Elle est heureuse, elle s'est achetée un petit caniche. En fait, c'est pas un petit caniche. Je tiens à le dire à tout le monde, là, si vous la voyez sur la rue. Sur la rue, elle n'est pas toujours... OK, mais c'est pas elle, c'est le chien. Qui aboie? C'est elle ou le chien? Ben, elle apprend à son chien à aboyer. C'est quand même assez étrange, hein? Il est venu au monde, là. Il ne savait rien faire. Il avait perdu son identité. C'est arrivé, là, sur la plage, pris dans le sable. Là, la belle femme s'est dit, « Oh, qu'il est beau, qu'il est beau! » Mais il était visqueux, dégueulasse. Mais, écoutez, c'est le cœur d'une mère, hein? On peut pas discuter de tout ça. Il faut l'accepter. On dit, il est beau, il est beau. Il était tout mou, ouais. Il est mou. On s'est dit, un jour, il va devenir rigide, là. On se le passait, on se le tirait. Hey, c'est pas un ballon. C'est pas un ballon. On est sur une plage, puis... cette chose-là, c'est pas une chose, c'est un chien. Ben, c'est un chien, voyons donc. C'est mou. C'est en plasticine. Mais non, tu hallucines. Ah, oh, j'hallucine. Ah, oh, mon Dieu, c'est en quoi? C'est en rien. En fait, c'est en peau, c'est en air, c'est vivant. Mon Dieu, c'est vivant, ça. Pout, pout, pout. Tu touches ça sa bedaine. Pout, pout. Ça jouait pas, ça riait pas. C'est ben, un chien qui rit. Ben oui, ça fait... Ça, c'est un chien qui rit, ça? Ben oui. Un chien qui pleure, ça... OK. Un chien qui réfléchit. Mort. Ah, il réfléchit, attends, peut mettre l'écho. Mort. OK. Hey, c'est comme moi, ça, quand je... Oui, mort. Puis un chien qui veut rien savoir, c'est... Ah, il vibre, hein? Il est prêt à sauter sur l'occasion. Hello? Ça sonne. Allô? Non, c'est le chien. T'as le chien aux dents? Non, c'est le mort. T'as le mort aux dents? C'est ben voyons donc, toi. T'étais tout mou, tout flat. T'étais couché comme une éponge. En fait, ça me faisait revivre mon ancienne vie. À l'époque où j'étais éponge. Ah, mon dos. Ah, ouais. Hey, on m'a envoyé dans un lac, là. Il n'y avait plus d'eau. On m'envoyait là, dans l'intelligence de Brecht. Pouh! Il n'y avait plus d'intelligence, il n'y avait plus de Brecht. J'étais devenu Brechtien. Je cherchais la cohérence de l'existence à travers rien. C'est quand même assez fort, là. Et moi, là, les enfants du collégial, vous êtes à votre première session. L'être humain est son milieu. Son milieu, c'est pas le milieu de... Non, c'est pas celui-là, là. C'est tout milieu qui résiste à la formation coexistentielle de la vérité absolue. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là, le professeur? Là, c'est le premier cours, on comprend absolument rien. Non, il y a un lexique en philosophie qui dit « Si vous ne connaissez rien, sachez que tout est en rien. » Il n'y a rien, il n'y en a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est quoi cette émission-là? Là? C'est... Ça, on nous cherche. Non, on vous a trouvé? Ben oui. Je suis où? Vous êtes là? Dans là, il y a l'au-delà. En un autre qui va nous prédire l'avenir. Oui, monsieur. Il y aura de la coexistence. Oh! Il y aura de la résistance. Ah, ça, j'aime ça, la résistance. Déjà là, quand je vais à la pêche, j'envoie ma ligne. Entendez-vous mon bruit de ligne? C'est pas un fusil, moi, là. C'est une grosse ligne avec une corde, là, une corde à linge. Grosse, rouge. Là. Et moi, la mienne était jaune. Oui, mais parce que j'ai saigné, hein. Je l'ai envoyé trop en haut. Trop en haut. Et là, je suis arrivé au ciel parce que l'arc-en-ciel l'avait attrapé. Regarde-moi le malade. Non, c'est de la poésie, là. Écoute, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ouvre les yeux, tu verras, ça ira mieux. Et c'est à ce moment-là, lorsque j'ai tiré ma perche rouge en haut de l'arc-en-ciel, m'est arrivée cette phrase. Pour la première fois, je rencontre ce soir Serge Gainsbourg. Allez, les machinistes. Ça, c'est les gens de radio là, qui sont là pour brancher tous mes fils. Là. Quoique j'ai mon fil de cacocardie. Ça va bien, hein? Branchez-moi ça, là. Pas sur le... Mais voyons donc, pas sur... Il me place ça sur le Spacemaker. Space. Les Spice Girls. Oh non, sur le Spice Girl. Oh! Rita, pas sur Spice Girl. Tu vas voir que ça risque de bourgeonner. Puis on sait que le bourgeonnet nouveau, c'est pas le temps, là. C'était après l'été. Non, avant l'été. Entre l'automne et l'été. Hein? C'est quand le bourgeonnet nouveau? C'est tout nouveau pour moi dans ma vie. Avant ça, j'étais au Bourgeonnais. Puis on m'a dit, non, il y a le nouveau. Ça, j'aime jamais ça. Moi, ce qui est nouveau, je suis enraciné, moi, dans le conventionnel. Pas ça, là. C'était bien avant. Pourquoi du nouveau? Le ketchup. Je l'aime comme ça. Lorsque je vois dans les supermarchés le nouveau produit, ketchup, ben je l'aimais avant, moi, là. Qu'est-ce qu'ils ont mis, là, pour le rendre plus étrange? Ils n'ont rien mis. C'est du merc. C'est du qui? C'est du merc. Il rappelle. C'est du marketing. Hein, monsieur? J'en veux pas de marketing, moi. Je veux m'accrocher à ce que j'aime et j'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Comme ma douce aimée. Ah, oh, c'est beau, ça! Oui, mais en fait, c'est mon petit chaton. Oh! Un chaton laveur. Ah, il lave quoi? La vaisselle. Je l'ai acheté. Ils m'ont dit à l'animalerie, si vous prenez cette chose-là, dites pas c'est une chose, c'est vivant. Ben, cette affaire-là, c'est pas une affaire, c'est vivant. Ben, ce spécimen-là, ouais. Ben, dites-moi, cet ami-là, ah, je l'ai acheté, comment ça coûte? 250 000. T'es-tu malade? Ça lave la vaisselle. C'est un laton laveur. Un laton laveur. Ouais, un lave-vaisselle, c'est 500 $ là. Puis un laton laveur, ben oui, mais ça fait un compagnon, ça ronronne, ça chantonne, ça friponne, puis ça cartonne. Toutes les filles vont dire, ah, t'as un raton laveur. Non, c'est un chaton laveur. Ah, ça ressemble à un raton. Ben oui, mais c'est un chaton. Je l'ai payé 250 000, c'est un chaton. Un raton, c'est quoi? C'est 10 piastres. Prends-le dans tes bras, tu vas voir. Ah, oh, il est beau, ton chaton! Là, ils veulent rien savoir de moi, ils sont pris sur le chaton. Ah, oh, mon Dieu! Alors, ce n'est pas le délirium tremens ici, c'est l'errance rénaldienne. Jean-Marc, pour la première fois, je remonte ce soir Serge Gainsbourg. Hé, hey, voyons donc, tu remontes Serge Gainsbourg? Non, non. Oui, je remonte à la rencontre de Serge Gainsbourg. C'est un lapsus. Non, c'est un manque de lecture, là. Lâche ton Marguerite Duras. Oui, je l'aime, Marguerite. Elle-même, je l'adore. Elle-même, je l'adore. C'est ça, quand je tire la Marguerite, hein, je l'aime, je l'adore. J'arrive toujours dans la plénitude amoureuse. Jamais je ne pourrais l'haïr. Puisqu'elle m'a animé pendant tant d'années, lorsque j'étais adolescent. Alors, pour la première fois, je rencontre ce soir Serge Gainsbourg. Allez, les machinistes! Ça, c'est les gens qui... Bon, je vous l'ai dit. Montez-moi et montez-moi plutôt. Capultez-moi. Catapatikitikutukitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitik. Moi, je me sens comme Annie Cordy. Tata-yo-yo. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de ton chapeau? Ah, il n'y a rien. J'ai la lobo. On m'a fait la lobo. C'est une coupe de cheveux nouvel âge, là. Avant ça, c'était pour montrer les cicatrices lorsqu'il y avait des combats entre mâles virils qui allaient avoir la. Et puis, comment ça se passait? Bien, ça se passait très d'une manière très barbare. Donc, je ne peux pas non plus vous divulguer. C'est presque bon, hein? Ben oui, l'émission ou l'histoire. En fait, les deux, sans doute. Alors, les machines, montez-moi et montez-moi encore. Laissez-moi. Oui. Addict. Oh, attendez. Oui, Serge est déjà là. Calme-toi, mon Serge, là. Calme-toi. Es-tu encore addict? J'en ai écrit des. OK, non, avec la 15. OK, merci. Alors, allez, les machinistes, les gens, ils disent, pourquoi il dit 15? Ben oui, c'est un chiffre chanceux pour les rances canadiennes, 15. 15 jours de la vie, les 15 printemps de Beethoven, les 15 années d'amour, les 15 jours d'été et les 15 frôlements majeurs. Vas-y. Des 15 frôlements majeurs des doigts qui pianotent sur la partition de Chopin. Oh! C'est fini à quelle heure, cette émission-là? Hey, arrêtez, on a eu peur. Là. Il y a eu des chaleurs. Moi, j'ai la carotide qui saigne. Et c'est forcé comme ça, là, c'est pas normal. On y va. On lâche pas. OK. Alors, allez, les machinistes, montez-moi et montrez-moi plutôt. Capultez-moi vers là-haut pour atteindre Serge Gainsbourg. Alors là, nous sommes entre... Merci. C'est grâce au ballon à l'hélium. Ils m'ont mis 50 000 ballons. Ils m'ont dit, allez là-haut. Ça rime pas, ballon et là-haut. Et on voulait pas rimer, on voulait t'envoyer. OK. Alors, je suis parti. Donc, je pars. C'est auto-présent. Allons-y. Je pars. Et en haut, j'ai entendu une voix. J'étais addict. J'ai dit, addict, c'est par où? La gauche, la droite? C'est où, l'addict? La diction était, pour moi, quelque chose de connu et de reconnu. Je dis, hey, c'est Serge Gainsbourg, je suis proche, là, je vais pouvoir faire ma rencontre pour la première fois. Parce que lorsque j'ai commencé à faire cette émission-là, Errance Rénaldienne, Gainsbourg était mort. Et j'ai déjà rêvé à un moment donné que, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai, j'ai rêvé. Et j'étais heureux parce que quand je me suis réveillé, je l'ai rencontré. Mais là, ce soir, en ce mois de février 2013, ce qui me plaît à vous dire, c'est que nous allons croiser cet être extraordinaire. Alors là, ici, c'est l'étoile de Boris Vian. OK, on passe devant. Et c'est beau, hein? Fais des beaux bonjours. Boris nous regarde, là. C'est comme le petit prince de Tsekitubiri. Il est assis sur sa chaise longue, là. Oui, il prend un jus à la papaye. Et il ricane, oui. Mais il ricane toujours et il rit de nous. Qui ne rit pas de nous actuellement? Les gens qui ne comprennent rien et qui sont éberlués, bien, éberlués, à un moment donné, ils vont lâcher. Non, ils sont là, la babine pendante, puis ils regardent. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission-là, là? Ici, Ashfax, ici, Ashfax. Y'a un sous. Demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. à tous. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. Demain Paris, aucun cadran n'affiche la même heure, aucun amant ne livre la même humeur. À l'intérieur, coule la Garonne, aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous Paris, à nous de lui. Yassous, yassous. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même heure. Change de poste. On peut pas, c'est bloqué. C'est bloqué. Ils nous l'ont bloqué. Qui sont la résidence de petits gens Angers? Il y a des gens Angers assises. Ben oui, ils sont assises. Assises à leur table? Non, assises à leur chaise. Ah, mon dieu. C'est vrai qu'assises à leur table, c'est pas très bon. Ils jouent à aux cartes. Ils jouent. Maudite blouse, faut que je te joue. Addict. Oui. Mais je touchais pas aux drogues. J'ai jamais touché aux drogues. C'est bien ça, Serge, parce que moi, là, j'étais en haut, je vois de la boucane. C'est pas des boucanes. On m'a dit, non, c'est pas de la boucane, mon petit champion. C'est des nuages. Oui, des nuages. Des nuages. Des nuages que quoi? Des nuages de presse. Puis... Vous êtes bon sous les rebonds, vous? Merci. Vous les sentez, les rebonds? Vous êtes bon sous les rebonds, vous? Oui, on le sait. Alors, vous voyez les bons? Où sont les méchants? C'est bon, hein? C'est dur. Non, là, c'est bien, c'est... OK. Puis ça me donnait des audaces à l'horizontale. Ben moi, je préfère, mais il a raison. Parce que si on nous avertit qu'à la verticale, il ne se passe rien, on tente de se coucher. Très souvent, dans mon cas, là, comme ça fait 28 heures que je n'ai pas dormi, quand je suis à l'horizon, oh, je ne vois pas juste des nuages, moi. Je vois des songes, là. Enfoncez bas les yeux, car tout n'est qu'un mensonge. Le bonheur n'est que songe. Ferme tes jolis yeux. Ben, j'étais addict. Oh, mais je touchais pas aux drogues. J'ai jamais touché une drogue. Douce ou dure. Non, j'étais bien ici. puis ça me donnait des audaces à l'horizontale. Je fausse même en la voix. C'est Rita. Merci, Gaétan. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques. Il me semble que vous êtes trompé. Oui, je sais. Oui, le public s'en est même pas rendu compte. Ben oui, mais c'est qui l'invité? On va le dire. On va l'inviter. Ben, invite-le. Là, on a entendu quelqu'un te parler, puis on ne sait même pas c'est qui. Ben voyons, Powwow. Tu connais pas Powwow? Depuis quand? Hey! Tu connais pas ça, là? C'est Powwow! Ben arrête-moi ça, raconte-nous-le! Ben oui, monsieur le président, fâche-toi pas, oui. Hey, faites-moi sortir ce gars-là. Faites-moi sortir ce gars-là avant la fin de l'émission, sinon l'ambulance va aller le chercher, lui. On veut pas de... Non? On veut pas sacrifier personne. On n'est pas dans... Comment ça? À l'endroit où il y avait des taureaux, là. Les taureaux s'en vont le dimanche. Non, c'est le... Les toréadors. Toréador, toi, si tu dors, tu vas voir les cornes t'exploser dans les reins. Ça va sonner. Hey, le cr, ça, c'est les... Dans les... Aïe, donc. Ça, je sens un peu comme la fourchette qui rentre dans la tranche de viande pour la couper avec le couteau. Oh, mon Dieu! Mmh. Surtout quand la viande est saignante. Avec du poivre noir. Le poivre noir. Dans un glissement de sel. Monte vers l'espoir. Pour regagner le ciel. Lorsque la fourchette pénètre dans le steak et voit le couteau s'arracher le morceau et la viande se sépare et le sang s'égare dans mon assiette. Je vois la ligne rouge, je plante la patate et je glisse sur le sang. Non, je vois qu'il n'y a pas de sens. Monsieur le Président, ah non, il n'y a pas de sens. Monsieur le Président, je voyais l'image, là, puis je savais pas comment continuer. Là, j'ai dit, sinon, les individus qui en mangent pas, qui en mangent point, OK, ils vont m'envoyer un point final sur la bouche. Comme ça, je ne pourrai plus parler. C'est bravo pour toi. Monsieur le Président, monsieur les patrons calolites, oui, j'ai la calolite qui lève régulièrement, surtout le soir à minuit 47. Ça fait tellement mal, c'est comme une fermeture éclair qui ne sait même pas qu'un jour, elle s'ouvrira, puis qu'un coup de vent la fera partir vers le bas. Normalement, c'est vers le haut. Non, nous, c'est vers le bas. Plus c'est bas, plus c'est bon. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 15 février 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur Alain Chennevière. Alain Chennevière, né le 19 février 1959 à Falaise. Ça, c'est au Calvados. Ça nous rappelle le vin, ça. Hein? Le bon Calvados, là. Une bonne bouteille de Calvados et hop, l'histoire est dans le steak. L'histoire est dans le steak est dans la viande est dans le sang est dans la patate est dans le four est dans le... Et dans le... Et dans la maison. Maison est sur la terre est dans la planète est gravite autour de, des étoiles et les étoiles sont là autour de nous. Qui n'existent plus lorsqu'on les voit parce qu'ils ont fini leur vie. C'est incroyable, moi, là. J'ai dit à ma petite fille hier, qui a 2 mois et demi, j'ai dit, regarde, l'étoile rénaldienne. Elle fait, l'étoile rénaldienne. Je me suis rendu compte qu'elle voyait pas l'étoile rénaldienne, elle, là, là. Elle voyait le papillon qui scintillait autour d'elle. Les gens savent qu'il existe des mouches à feu, mais il y a aussi des papillons à feu. C'est nouveau, ça. Là. Ça a commencé en 2011. Les biologistes n'en ont pas trop parlé pour ne pas diriger trop de problèmes techniques auprès des agriculteurs, de l'industrie faunique. Mais ces papillons en feu-là qui mettent les tisons en chaleur intense et qui créent comme ça des feux. Les feux de forêt, c'est pas les papillons de feu. Ça vient pas d'ailleurs, là. C'est pas un fumeur qui pff, il fume 3-4 cigarettes, tout, tout, tout, qui envoie ça, puis tout ça. Non, non, c'est les papillons de feu. Mais voyons, on a jamais entendu ça. Ben là, c'est nouveau. Mmh. T'as jamais rien entendu de ta vie, toi. Toi, t'es comme dans un cocon. Je suis un cocon, oui, un cocon. Ouais, plus cocon que ça, là, tu meurs, c'est ça. Alors, Alain Chennevière est né le 19 février à Falaise. Ça, c'est dans le Calvados, là. C'est du bon du Calvados. C'est un chanteur français. Il a fait partie du groupe Powwow. En 2004, il interprète le rôle de Crassus dans la comédie musicale Spartacus, mis en scène par Eli Chouraki, le réalisateur de cinéma. Mais oui, voyons donc. Sophie Marceau. Composé et écrit par Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, là. Le grand Maxime, qui nous a donné des chansons comme San Francisco. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit, oui, hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui. Alors, place aux mots, place au lyrisme rénaldien. Look at my king all dressed in red. Alco, alco one day. Bet you $5 he'll kill you dead. Jack-a-muffin ane. I'm talking about hey now. Hey now. Hey now. Hey now. Alco, alco ae. Oh, Jack-a-muffin ane. Jack-a-muffin ae. Jack-a-muffin, I am. Giacomofinae. Giacomofinae. Don't get away. Giacomofinae. That's all. Giacomo. Démos et trois chansons ont terminé. Et les démos sont... C'est écoutable, c'est passable éventuellement si t'as envie. Non mais tu me permets de... Oui, bien sûr, bien sûr. Elles sont protégées déjà, donc après c'est écoutable, quoi. C'est joli, c'est... Voilà. Okay, hein? Okay. Et puis c'est intéressant, j'en ai déjà deux, hein. Oui, t'en as déjà, oui. Ouais, deux que j'ai diffusées. Tu viens des titres Bonne question, mais tu m'avais mis ça sur... Oui, oui, genre, je sais plus lesquels je t'avais envoyé. Alors peut-être qu'elles sont là aussi, bon. Okay. Tu verras, il y a les titres derrière, il y a... Voilà. Ah, mais peut-être ça vaut rien, oui. Johnny se cache, ça se peut-tu? Ouais. C'est possible, oui. Mais en même temps, elle a peut-être évolué depuis, donc tu vérifieras comment on travaille dessus, toi. Et celle-là. Toujours debout, d'accord. Toujours debout, ça se peut. Ça, c'est la même, ça, ouais. Ouais. Ça, c'est la même. C'est, enfin, c'est, on n'a pas. Si tu l'as déjà, c'est la même version. Ok, quoi. Ok. Ah, ben merci. Je t'en prie. Et je sais pas si. Toi, le 6, vendredi prochain, t'es pas libre. Vendredi, le 6. Après-midi. Parce que je chante dans un joli festival là, et si tu veux, je te file deux invites. J'allaiserai à Québec, à Paris. Oui. On passe vers 17h. Où ? À Saint-Maur-des-Fossés, c'est pas loin, c'est vers la Marne. Là. On met le métro, ça va ? Il y a RER, il y a train RER. Okay. Le 6, il y a quelle heure ? Je te dis entre 17 et 18h, quoi. Je vais voir un spectacle au Bataclan. D'accord. C'est quoi au Bataclan? C'est Die and the Wood. Est-ce que tu connais? Non. C'est du métal électrique des Suédois. Waouh. Ouais. Et ils chantent dans l'après-midi? Ben non, à 19h. Ah oui, ça va être juste. Ouais, ça va être juste. Bon, bah écoute. Sur la Kevin, pour moi, je garde. Ah ben merci. Ah, ça, c'est des laissés-passer. C'était des invites, ouais. Ok, ok. Ben désolé. Next time. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Ah ben t'es normand? Oui, oui. Tu es né. Je suis né en Normandie, oui. Ok. En falaise. Ok. Et toi, tu es un fan de musique. Bonjour en passant. Moi, c'est Reynald. Donc, bienvenue à mon émission. Moi, je t'ai connu grâce à Pow Wow. Oui, ben oui. Comme bien des Québécois. Ça a joué beaucoup à CKRL, qui est la première radio communautaire francophone au monde. Ah oui? Ouais, si tu préfères, une radio associative. En 73. Les radios libres ont commencé à Paris en 80. Les Français, les Belges, les Suisses sont venus voir comment on faisait ça pour le recréer. D'accord. Donc, nous sommes les premiers, des pionniers. Bravo. Et donc, on te diffusait, Power, c'est 90. Oui, on a commencé, en fait, on a commencé à être connus en 92. OK. Et on s'est séparés courant 98, quoi. OK. Voilà. Mais on s'est créé en 90. Mais à l'origine, toi, tu faisais des reprises de chansons des Beatles? Moi, écoute, moi, ça faisait. Je chante sur scène, on va dire, depuis 1973. Okay. Donc, j'ai commencé avec les Beatles, Simon Garfunkel, tout ce qui se faisait à l'époque. Ensuite, j'ai découvert le rock'n'roll des années 50. Donc, le rockabilly. Ouais. Enfin, on n'appelait pas encore ça. Ouais. On connaissait pas vraiment encore le terme. Okay. En tout cas, c'était pas tout à fait ça, parce que le rockabilly, il y a une dimension acoustique, un peu country, alors que le rock'n'roll, c'est Cochrane, tout ça. Bon, c'est du rock'n'roll, tu vois. Ouais. Voilà. Donc. Bon, en tout cas, je faisais ce genre de musique, ouais. Ok. Ouais. Avec les alligators, qui était, oui, exactement. Qui a bien marché, quoi, à l'époque. Mais tu faisais aussi du dessin. Tu étais dessinateur, tu étais un artiste tout azimut. Oui, disons que depuis enfant, enfin, j'ai toujours dessiné, bien avant de chanter. Est-ce que tes parents dessinaient? Non. Enfin, j'ai découvert récemment des cahiers d'école de papa et des dessins où apparemment, à l'âge qu'il avait, il dessinait déjà bien, mais il n'a jamais poursuivi. Exploité davantage. Par contre, lui, il avait une jolie voix. Il avait une grosse voix comme moi. Mais il chantait pas. Non, il chantait aux fêtes de famille. Ouais, mais c'est quand même bien. C'est là qu'on pouvait on dit chez nous, se lâcher l'ousse, se laisser aller. Ouais, donc, ouais. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go.

Et toi, tranquillement, tu fais juxtaposer le dessin, la peinture, la musique. En 80, tu as essayé de chanter. Mais on va commencer à l'origine, parce d'accord. qu'on ne va pas s'éparpiller. D'accord. Donc, mais toi, ton inspiration première, c'est le rock'n'roll? Mon inspiration première, c'est les Beatles. Okay. Donc, quelque part, le rock'n'roll, parce que ouais. eux, leurs origines, c'est le rock'n'roll. Voilà, c'est aussi bien Eddie Cochran que Little Richard ou Gene Vincent. Donc, voilà, c'est un peu grâce aux Beatles que j'ai découvert. Donc, les premiers rock'n'roll que j'ai entendus, c'est les Beatles qui les chantaient. Et moi, je ne savais pas d'où ça venait. Est-ce que tu l'écoutais à la radio ou c'est tes parents qui achetaient les... Non, ni l'un ni l'autre. C'est avec mon frère qui était un peu plus âgé que moi. On a commencé à écouter ça vers l'âge de 10-11 ans. On a découvert ça petit à petit. Et puis voilà, mon frère a acheté une guitare. On a commencé à chanter, à harmoniser ensemble. Bonjour. Un demi pour moi. 1664, Carlsberg, Kimbergen. 1664, s'il vous plaît. Moi, je vais vous prendre un café express, s'il vous plaît. Donc voilà, dans les années 70-72, avec mon frère, on commence à chanter tous les deux. Et c'est là aussi que je découvre, grâce aux Beatles, je découvre le rock'n'roll, mais aussi les harmonies vocales. Oui. À travers leurs reprises aussi de chansons, de la tabla Motown et tout ça, quoi, tu vois. Donc ma culture, et puis aussi Pete Seeger, donc le folk. Tu vois, il y avait un petit livre bleu avec toutes les chansons de Pete Seeger et avec les accords très faciles. Donc voilà, et je suis resté un peu toujours dans cette couleur-là, c'est-à-dire harmonie vocale, mélodie. Et puis rock'n'roll, quoi. Et toi, tu as un amour incommensurable pour les États-Unis. Oui. As-tu déjà pour le continent américain, je dirais. OK. D'abord, pour l'histoire, je trouve ça passionnant, cette, entre guillemets, découverte tardive de par l'Europe de ce continent-là. Les conquêtes, les tragédies, l'histoire telle qu'elle est, aussi bien Amérique du Sud qu'Amérique du Nord, les Indiens. Et puis après, tout le mixage culturel et surtout musical qui se fait, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le rock'n'roll, entre autres, est issu de la Nouvelle-Orléans, de la musique française, irlandaise, des chants d'esclaves, des tam-tams, enfin tout ça se mélange. Et j'en finis pas de découvrir et de redécouvrir ça et d'apprendre des choses sur tout cet univers-là, tout ce mix de culture, quoi. Et toi, la musique, c'est avant tout les racines, c'est le folk, c'est... Disons que j'aime bien quand j'écoute quelque chose, même si c'est d'aujourd'hui, j'aime bien sentir ce que j'appelle le blues, moi. Donc oui, les racines, l'humanité et la sensibilité. Tu vois, et donc c'est pour ça par exemple que je n'ai jamais été un très grand fan de tout ce qui est métal, hard rock d'aujourd'hui, des choses où il n'y a pas de racines. Il y en a forcément, mais je trouve que moi je n'entends pas derrière le mur du son quand c'est trop fort, les guitares trop saturées, ça me touche pas trop. Mais c'est aussi l'histoire des individus à travers leurs chansons. Johnny Cash qui racontait sa vie. Bien sûr. Les Beatles qui racontaient leur jeunesse. Bien sûr. Et c'est surtout qui expérimentaient musicalement plus que les paroles. Oui. Les Beatles ont été très importants aussi musicalement parce que d'un album à l'autre, ils ont sans arrêt évolué. C'est aussi pour ça qu'ils m'intéressent plus que les Stones, que j'adore et qui sont bien dans les racines aussi. Mais les Stones, c'est plus un monolithe. C'est blues, noir, c'est bien rock, bien gras et tout. Mais il manque des fois de la finesse, des harmonies, des choses, même si j'adore. Hein. Oh, oui. Et toi, comment ton chemin a débuté? Comment tu as entrevu de faire de la musique et quelle option à toi? Quelle option tu as voulu emprunter? Alors, déjà, on va accueillir nos boissons. Oui, avec moi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Nous voyageons. Et je mets ça tout petit, là. Ben, c'est ça. Gaétane, c'est. Il faut pas descendre le banc au courant de l'émission. Ça, c'est très simple, là. Puis je te l'ai écrit noir sur jaune, jaune sur vert sur gris, gris sur. Sur le surintendant. Sur qui? Le surintendant. Oui, celui qui te dirige en dehors de tout ça. Ben, il n'y a personne qui me dirige. Moi, là, déjà là, j'ai. J'ai fait abstraction de tout Dieu. De tout Dieu. De tous yeux. Vous, tu vois rien? Non, de tout Dieu. Les yeux. Pas les yeux, les dieux. Les dieux, OK. Au pluriel. De tout Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien. T'es agnostique. C'est exactement ça. Alors donc, j'ai fait abstraction de toute compréhension terrestre. OK. Donc, tu es bouché. Je suis bouché. Et j'ai fait... Merci. De rien. Et j'ai fait également abstraction de tout ce qui se passe autour de moi pendant l'émission du vendredi entre minuit et 2h du matin. Alors, tu es une double bouchée. Je suis une double bouchée. Alors, on va te déboucher? Non, on va me garder comme cela, dans ma bouteille. OK, ma Jeannie. C'est comme ça ta vie. Oui, monsieur. Monsieur... Je suis ta génie. Je suis ta seule amie. Je suis sous le bouchon, pas comme les autres. Je suis sous le bouchon et c'est ma faute. Je ne veux pas que tu m'exploses. comme cette champagne. Bouteille. Bouteille. De champagne. Champagne. Nous voyageons pour chercher d'autres états, d'autres vies, d'autres âmes. Anaïs Nin, extrait de son journal 1969. 1900. 1969. Non, c'est pas ça, c'est quoi dans la chanson de Jane Birkin? 69, année érotique. Mais lui, Henry Miller, elle, Anaïs Nin, un couple complémentaire. Quand tu parles de complément, c'est ça. C'est pas des choses abstraites, là. L'adjectif circonstanciel de lieu, non, c'est le complément. Le complément circonstanciel de lieu, c'est... C'est où? Je sais pas, c'est où, moi? C'est par là. Je vous conseille, monsieur, vous cherchez votre droit chemin. Là-haut. Comment? Allô? Monsieur? Que dites-vous? Oui, c'est ça. Merci. Vous aviez... Nous avons perdu votre voix. Puis lorsque je m'emporte, un peu comme une voiture qui essaye de partir lorsqu'elle est déjà sous l'emprise du moteur qui roule, je m'étouffe. Bon, je sais que les orthophonistes diront que c'est du bégaiement. Elles ont peut-être raison, les orthos. Les oreilles ont aussi raison. Tout le monde a raison. Vous avez gagné 2 morceaux de robot. Bravo, on vous embrasse. Pas trop, parce que on en prend un goût étrange. On en demande davantage. On peut pas en offrir plus qu'on en nonini. En avez-vous comme... Oui, comment ça, vous crachez le même? Je crache pas, c'est que je me reprends et je réfléchis en même temps lorsque j'expulse mon intelligence. Ah, mon Dieu! Expulser son intelligence. Il y en a pas mal dans ce groupe-là, là. Quand la lunette me cogne, entendez-vous? La lunette me cogne. Je connais King Kong. Je connais King presque Kong. Mais la lunette qui cogne, ça c'est nouveau là. Ben oui, mais à Hollywood, l'année prochaine, en 2014, vous verrez la lunette qui cogne. Présente. Reynald Gagné. Idée originale de Héran Reynaldien. Sur Prismacolor. Prisma, la vois-tu la rentaine pour en comprendre tout le sujet dans moi? Que dites-vous? On dit rien, là. On parle entre amis, là. Il y a Gaétan, il y a Suzanne, puis il y a Joran. Joran, toujours avec son violoncelle, hein. Il y a un son provenu d'ailleurs. Une hirondelle qui ne s'est jamais posée. Ça, c'est beau, ça. Joran, une hirondelle qui ne s'est jamais posée. Que sur la poésie du texte et de la musicalité sentimentale, musalique et sentimentale, ma tête est bancale et je vois le chenal qui tourne près de l'animal. On dit rien, on chante, là. C'est le moment de festivité de l'émission. Ah, mais je croyais qu'on s'endormait, là, maintenant. Ben non, on ne peut pas s'endormir parce qu'Anaïs Nin nous a dit... c'est vrai, pendant 5 minutes, là, c'était quoi? C'était de l'expérimentation radiophonique. Et monsieur, on expérimente comment? Ben, par une recherche. Surtout... Plus qu'une recherche, là. Attention, arrêtez-vous, madame. Non, l'avez plus. Elle est toujours en train de frictionner son sofa, là. Il n'y a pas deux de vie, là. Il y a une vie, votre sofa, madame. Ça fait 25 ans que vous l'avez, là. La peluche ne peut plus replucher. Votre tissu ne peut plus retisser. Et surtout, la moleskine, le moelleux ne peut plus remoeller. Puis votre mari ne peut plus remuer. Il est sur le sol. Moi, j'appelle ça une attaque cardiaque, là. Ou peut-être un sommeil profond, dû à quelques éruptions volcaniques provenant du houblon qui s'est enfilé derrière la cravate, quoiqu'il n'en porte plus depuis bientôt 2 ans. Il a perdu son emploi. Il était cadre et même encadré au gouvernement du Canada. Et on sait que le Canada perd le nord. Et heureusement, le Québec a trouvé le sud. C'est le sud. Et c'est pourtant bien. Oui, monsieur, nous l'aurons notre Québec. Et monsieur, arrêtez. Nous voyageons pour chercher d'autres états, d'autres vies, d'autres âmes. Que j'aime ça. Je la mets ici devant moi pour la répéter. In vitam pauperman. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots. Celui-ci. Celui-ci qui? Celui-ci le mot. Le mot qui n'est pas caché derrière des horizons presque lointains. Parce que juste ici, là, devant moi, hein, quoique j'ai focusé. Oh! Non, focusé, ça veut dire faire un zoom. Pas un fuck perdu dans la volca. Crée-moi pas. Quelque part dans ma volca, il y a un fuck qui se noie en... La glace est fondue. Hey, c'est beau ça, c'est la version bar, 3h du matin, c'est la fin, on a fermé, puis il reste plus rien. Rien que des pauvres mecs, des pauvres philosophes ratés. Qui cherchent le chemin à irradier. Oui, il y a eu un côté marshmallow, vous l'avez senti? Ben, en fait, mon oreille l'a pressenti. Oui. Et il n'a pas pu faire autre chose. C'est ça, c'est comme le mur. Tu vois le mur? La voiture file à toute allure. Et tu te dis, comment va-t-elle s'arrêter, la bagnole? J'ai les deux pieds sur le frein. Il n'y a pas de frein. J'ai les deux mains sur le volant. Il n'y a pas de volant. Il y a le mur qui m'arrive en pleine face. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de face. C'est un rêve. Peut-être, mais un cauchemar aussi. Enfin, écoutez, embouchure anglais. Afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique. Hey, on avait peur, hein? C'est quoi ça? C'est... Non, mais aviez-vous une crainte, vous, madame? Oh, oui. Quoi? Pardon? Pardon? Allez, on vous écoute, là. Exprimez-vous. Vous êtes là, présentement, sur nos ondes, là? Pardon? Oui, merci. Êtes-vous là, madame? Êtes-vous là, madame? Oh. Oui, merci. Attendez, êtes-vous là, madame? Oui, merci. Oh, monsieur? Oui, merci. OK, vous êtes transformé. Vous êtes le caméléon de tous les fripons. N'est-ce oui, pas? Merci. Oui, d'accord. Vous venez nous écouter depuis le début? Oui, merci. Merci, vous êtes... merci à vous. Oui, merci. Vous êtes très poli, vous. Oui, merci. Il y a ma coordinatrice, il y a ma pigiste, il y a mon alpiniste, et il y a ma stradivariste qui me dit, c'est Serge Lama. Suis-je accompagné de Serge Lama? Oui, merci. Eh, monsieur Lama, comment ça va? Oui, merci. Vous préparez un spectacle en 2013, là? Oui, merci. Mais vous faites la promotion? J'allais dire vous pré... La langue française. Vous faites la promotion, vous prêchez votre musique 2 ans avant l'existence du spectacle? Oui, merci. C'est quand même audacieux, monsieur. Oui, merci. Mais sauf que vous êtes quand même un chanteur des plus expérimentés. Surtout avec des pièces comme Les Cyclines, Jacqueline, Juliette, Françoise et Simone, D'aventure en aventure. Et puis quoi donc? Il y en a plein. Il y a Tarzan. Ah, dites-moi pourquoi, avec ma gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Je marche de quinquois, je passe tout graffé, je ne joue pas jamais d'ouro. Une veuve de guerre, envoyez vous en profil, la cuite de la polio, avec qui tient sur l'île. Ils vont me poursuivre. Monsieur Lamont, allez-vous poursuivre? Oui, merci. C'est ça, merci. On vous accueille, là, puis on vous fait une promotion intégrale. Oui, merci. OK. Vous êtes poli, merci. Alors donc, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot C'est un des vœux, là, hein? Un des vœux les plus chers à ma coordinatrice ce soir, c'est le mot âme ou le mot âne. Puis elle me dit âme versus âne. Pas âne, Annie, là, mais âne, âne dans le sens de âne. C'est quoi ça? C'est un âne. C'est vrai que l'âme souvent se comporte en âne. On lui demande des choses, puis il ne veut pas suivre. On se dit, ah, un jour, je serai sage, la sagesse. La sagesse, je pense que c'est un petit bout de médiocrité, là, d'incapacité à nous amener dans une puissance X. En fait, c'est une fatigue mentale. On appelle ça une sagesse. Moi, mon enfant, je suis un sage. Oui, mon homme, t'es plus capable. Je suis très capable, mais je suis sage. Ouais, mais voyons donc, t'es arrêté. Je ne suis pas arrêté, je suis sage. Non, tu es diminué. Je ne suis pas diminué, je suis sage. Ben oui, mais soyez sage et taisez-vous. Je ne peux pas me taire, je suis un sage, donc je vais dire une phrase qui sera d'une sagesse des plus exemplaires. Oh mon Dieu, Seigneur. Préparez-vous. Oh, ça sent la musique. Oui, ça sent. Ça sent quoi, non? Ça sent le brûlé. Mais non, ça sent l'exemplaire. Oh, l'exemplaire, oui, c'est ça. C'est la photocopieuse qui a collé. Oh mon Dieu, c'est pas rien que ça. C'est au laser, oh mon Dieu. On est radio-diffusé. Mais non, on est radio-diffusé sur CKRL, oui, merci. Comme du Crazy Lou, il reste plus grand couleur sur mes joues. La tête ailleurs depuis je sais plus quand tu comptes plus les jours quand t'es rendu là. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. Les ans changent plus vite que je suis habitué. J'ai barré les portes de la maison, puis les heures de visite sont rendues rares. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. C'est pas que je pédale. C'était pas sa garantie, puis c'est brisé. Je me suis retrouvé avec rien dans les poches, sauf du duvet lourd comme des roches. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. Donc moi, comment j'ai débuté? Bon, bah, je te dis, avec mon frère, dans les années 70, on découvre les Beatles, c'est tout ce qu'on appelait la pop music. On apprend, mon frère apprend à jouer de la guitare, il m'apprend à chanter, parce que lui, il chantait déjà très bien. Et toujours pas de guitare? Il m'a appris très vite quelques accords, qui sont les mêmes que je connais toujours aujourd'hui. Oh, tu joues sur trois accords? Bah, j'ai joué, oui, quatre des fois. Ok, quand ça va bien. Mais je suis incapable de faire un solo ou de jouer en barré. Enfin, c'est vraiment très. En fait, c'est pour bien paraître sur scène, hein, un gars avec une guitare. Non, c'est pour m'accompagner. Okay. Donc, je fais ce qu'on appelle du strumming et puis ça me suffit pour chanter mes chansons, toi. Comme Dylan. Peut-être, oui. Ah, ouais. Enfin, pas, peut-être pas à la même échelle, mais oui. Enfin, donc voilà, là, à l'époque, j'ai 12, 13, 14, 15 ans. Donc avec mon frère, on fait différents groupes de folk, rock. Quand je découvre le rock'n'roll, j'inclus dans ce répertoire déjà du Presley, du Buddy Holly, donc tout, mais toujours ça jouer acoustique et avec des harmonies, tu vois. Et puis en 76, je franchis le pas, je me coupe les cheveux, je me coiffe ce qu'on appelle en France la banane, tu vois, je me fais la. Oui, oui. La et, à l'aide des Mitchell. Voilà, et là vraiment, et là je monte un groupe de rock'n'roll donc, qui s'appelle Les Alligators. Est-ce qu'on retrouve encore des soubresauts? C'est-à-dire, on retrouve des pièces musicales sur Internet ou, Ah oui, bien sûr. Oui. Okay. Ah oui, parce qu'on a quand même fait pas mal de disques, on a fait beaucoup d'émissions de télévision, on a fait la première partie d'Eddie Mitchell à l'Olympia, ce qui est très important en France. Mitchell, voilà. Et les Alligators ont existé de 77 à 85. Voilà. Donc, et on a vraiment laissé une belle trace. C'est-à-dire que c'est une époque où. Cette génération de groupes de rock avec Jezebel Rock, les Rockin' Rebels en France aussi, les Tin Cats, on a vraiment fait beaucoup de concerts, on a éveillé plein de vocations. Et aujourd'hui, il y a plein de groupes de rock'n'roll, de rockabilly qui existent grâce aux Alligators, par exemple. Tu vois, on est comme moi, j'ai eu des grands ancêtres, on est les grands ancêtres de plein de gens aujourd'hui. Quoi. Et on me reconnaît, il y a encore la semaine dernière, on me reconnaît des fois, non pas à cause de Power, mais à cause des Alligators. Quoi. Et comment tu prends la chose comme toi, tu as été omnibulé par les Beatles? Il y en a sans doute qui se sont inspirés grâce à toi. Ils se sont dit, je vais faire de la musique grâce à ce mec-là. Qui... Oui, mais c'est vrai, des gens me le disent et je sais que c'est vrai. Mais comment toi, tu... Ben, à ton avis, c'est génial. En toute modestie, c'est génial. Quoi. Alors, je veux dire qu'à l'époque des Alligators, bon, je connaissais les Beatles depuis longtemps, mais évidemment, il y a après le rock'n'roll, donc c'est Elvis, Gene Vincent, Eddie Cochran, Buddy Holly, Chuck Berry, enfin tous ces gens-là. Quoi. Alors toi, tu approuves encore ce que tu as fait avec les Alligators. T'es pas le genre à renier ce qui t'a construit. Bien sûr que non. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de temps à autre de monter, de créer un groupe et de refaire du rock'n'roll, quoi, tu vois. Parce que j'aime ça aussi, j'ai besoin de ça. Et dans ma musique d'aujourd'hui, on retrouve aussi les influences, le feeling, la contrebasse, enfin des choses qui viennent de là, quoi, tu vois. Parce que c'est un chemin, mais faut être cohérent. Oui, effectivement. Et moi, je sais ce que j'aime, et voilà, c'est. Et aujourd'hui, je voudrais trouver justement le donner au public français le goût de cette musique-là, mais en faisant une musique d'aujourd'hui avec des paroles en français où je parle de ma vie, de ce qui se passe aujourd'hui. Et, mais là, t'as pas hésité d'écrire en français, c'est ça qui m'intéresse, parce que souvent, on essaye de s'accrocher à la facilité, donc aux paroles anglaises, aux paroles... mais toi, non, tu te sens à l'aise avec la langue de Molière, donc tu veux... Déjà, à l'époque des Alligators, on a commencé à chanter, à écrire en français, et puis après, avec Poho, évidemment, aussi. Et moi, je trouve ça... on est en France, donc... Il fait chaud, ça sent le chantonne, le swing, le fumier du printemps, puis mère nature qui se loge lousse, puis qu'abandonne. Il fait chaud, au baisse et le chauffage du soleil qui rôtit nos peaux, on se chiffonne dans la journée, on se lance toutes comme des cinglés sur les plages de Chidiac. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, les oiseaux sont sortis, je trouve ça bien trop beau, jusqu'à ce qu'il me réveille. Il fait chaud, Votre mal en route, Rénal Gagné, s'anime sur Errance Rénaldienne, à CKRL 89.1 à Québec. J'ai quitté mes théâtres, pluriels. J'ai quitté mes théâtres, je vais savoir pourquoi depuis des mois tu n'encercles que moi. Pourquoi de ville en ville, de théâtre en théâtre, tu n'es-tu que dans les villes où je chante? Et dis-moi, quel est ton mal, quel est ton cri? Quelle douleur te hante. Il neige, et dans cette ville, je n'ai que toi. Tu m'appelles et tu me poursuis. Pourquoi? J'ai tout quitté, je n'ai pas peur. Je viens les mains nues, je viens vers toi. Il fait froid, je n'ai plus rien. Je suis seule, tu peux surgir de tes ombres. Il est minuit quelques secondes. Je vais savoir enfin pourquoi tu ne poursuis que moi. Partout, dis que me veux-tu, je suis là. Tu n'es plus seule. j'ai tout quitté, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Je viens. Bouge pas! T'as rien à craindre. Je t'avais entendu venir et j'ai reconnu ta voix. Ta drôle de voix. Ta brisure de voix qui me griffe. Ta voix qui gêne. Ta voix qui miaule. Une rivière de larmes qui fait des sillons clairs au-dessus et au-dedans de mes mains. C'est ça ta voix. On ne peut pas tuer cette voix-là. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci ? Tu peux m'expliquer où tu vas avec ton sac en mica rempli de fouillis bleus et de lunettes cloutées ? Ce soir tu chantais, je le sais. On est dans les mêmes journaux, je lis tout, je connais tout sur toi. C'est pas possible qu'on t'ait laissé aller comme ça toute seule à cette heure, avec moi qui rôde. Tu vas m'expliquer où tu vas ? Tu le sais. Quoi, c'est vrai ? C'est toi ? C'est vrai ? Oh, je t'ai tellement cherché. Je t'ai tellement voulu. Je veux voir ton visage. Le visage de ta voix. J'ai froid. T'es toute pâle. Viens ! On peut pas rester là. Viens, viens ! Je connais un endroit où il y a tout ce que tu aimes. Prenez, prenez! C'est Dieu qui vous l'envoie, prenez! Je suis en compte avec le ciel. J'ai une ardoise. Je t'expliquerai. De l'argent, j'en ai toujours eu. J'ai jamais su d'où il venait, mais j'en ai toujours eu. J'ai jamais été pauvre. Au début, ça étonne, bien sûr, mais après, on s'habitue. J'ai des châteaux, des forêts, des lacs, des torrents, des oiseaux d'acier, des cargos, un couteau. Je suis un homme riche! Un homme misérable, mais riche. J'aime pas que t'aies peur quand t'es avec moi. Je suis pas un tueur. Je hais les fusils. J'ai jamais tué un enfant. Oh, want to be. C'est bien avoir une posture, se rouler par terre, toi, faire wap wap, c'est super. Mais c'est bien aussi que les gens qui parlent pas anglais ou qui n'aiment pas cette musique-là soient touchés, ouais. Tu vois. Et puis aujourd'hui, à l'âge que j'ai des choses à raconter. En tout cas, j'ai envie de raconter des choses. Et apparemment, les gens les écoutent. Donc, Et on sent aussi des empreintes de Jack Kerouac, les sentiers, les chemins des États-Unis. On sent quelque chose dans ta voix qui se rapporte un peu à Johnny Cash. Évidemment, c'est... Oui. Évidemment. Et tu te sens à l'aise quand tu remémores ces univers-là. Tu te sens vraiment habité. Oui, enfin c'est... Voilà, mes racines, elles sont là, une fois pour toutes. Tu vois, à 53 ans, tu te refais pas et tu sais ce que tu aimes ou pas. Moi, je sais que ce que j'aime, c'est profondément ça. Et je sais que quand je prends ma guitare, même tout seul, et je fais mes trois accords, et voilà, c'est comme ça que je suis à l'aise. Donc, cette nouvelle aventure, je l'ai créée autour de ça. J'ai pris ma guitare, j'ai écrit des chansons, et j'ai trouvé des musiciens qui aimaient ça, et voilà. Et à chaque concert, on a encore joué avant-hier soir... Chaque concert, on finit par du Johnny Cash. Au Lila, c'est okay. Dans tu vois, la proche banlieue nord-est de Paris, ouais. Dans un petit endroit très sympa. Et à chaque fois, on finit avec du Johnny Cash, avec du Bob Dylan, avec des vieux folk songs comme The Wayfaring Stranger, par exemple. Tu vois. Voilà. Et les gens découvrent ça, et je trouve ça super. Comme avec Powo ou Powwow, on a fait découvrir le doo-wop pour le gospel au public français, par exemple. C'est ça. Alors, je vais arriver à ce groupe-là parce que vous êtes élargi, vous êtes allé, vous êtes fait connaître à Québec, au Québec. Êtes-vous passé à Québec, au Québec? On a chanté au Francophonie. OK, oui. Donc, c'est à Montréal. À Montréal. Ben ouais, ouais. Deux fois, je crois. OK. Avec le groupe Powwow. Ouais, ouais. On a été à Québec même. Je sais plus ce qu'on a fait. On a fait pas au mal festival de festival d'été. Peut-être. Ouais. Et on a fait beaucoup d'émissions télé, radio, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et comment, pourquoi le groupe s'est dissocié? Il y avait des divergences. Alors, c'est un groupe que bon, c'est moi qui suis à l'origine. Toujours pareil, mon. Alors, t'es le leader. J'étais le leader et j'ai réuni des amis qui chantaient parce que. Grâce aux Beatles, aux doo-wop, tout ce que j'aimais, au gospel, tout ça, je rêvais de monter un groupe vocal. Et en 90, j'avais un groupe de rock plutôt actuel qui s'appelait Les Martiens. Est-ce qu'il y a des albums? Non. Il y a beaucoup d'enregistrements, mais rien n'est sorti. Ça a duré 3-4 ans et ça ne fonctionnait pas, ça ne prenait pas comme je voulais. Et mon batteur, qui savait que j'aimais... les harmonies vocales, m'a dit, mais écoute, on n'a qu'à s'amuser, t'as qu'à trouver des copains, puis tu montes ton groupe vocal, et puis au moins on va rigoler, quoi, on va s'amuser. Mais vraiment, c'était un peu en désespoir de cause, quoi. C'est au moins faisons ce qu'on aime. Mm-hmm. Et, puis ça se communique aussi, hein, le public se rend compte que vous aimez ça, donc ouais. C'est pour ça que ça a fonctionné. Et d'un groupe qui est parti un peu par hasard, comme ça, pour le plaisir, en moins de 2 ans, ça a connu le succès que tu connais. Mais dans les radios aussi, hein, ça a été très fort. Oui. Et donc, on n'avait pas prévu ce succès, on n'était pas prêt vraiment pour ça, même si on avait tous déjà une trentaine d'années, donc on n'était pas des teenagers. Mais bon, tu me demandais pourquoi ça s'est terminé. Ben, ça s'est terminé parce que, à un moment, la machine s'emballe, à un moment. Le succès on était trois vraiment amis d'avant, si tu veux. Il y en avait un qui était dans les alligators avec moi. Amis d'école, non? Non, mais de. Ok, de musique. Ouais, de musique, mm-hmm. Depuis longtemps. Mm-hmm. Et le quatrième. Qu'on avait trouvé par petites annonces dans les journaux. Ah oui, c'est recrutement. Ouais. Ok. Lui était moins fan de cette musique-là. Ok. Et donc petit à petit, si tu veux, il y a eu une scission dans le groupe. Il y a eu deux courants qui se sont dessinés, deux contre deux. Certains qui voulaient rester a cappella avec ce genre de racines et de références, et d'autres qui voulaient. Es-tu parti, toi? Oui, bien sûr. Okay. Oui, parce que pour moi, notre originalité, elle était là. C'était ça, ouais. Notre force était là. aujourd'hui et maintenant, Errance Reynaldienne, sur CKRL 89.1 à Québec. Même si certains soirs c'est le paradis, dans mes repères, mes quartiers, les deux ou trois bars où le vin bruit efface un peu du temps passé. Si loin que puisse aller mon amour du futile, je suis déraciné. Même si certains soient dans les yeux des filles, je replonge sans hésiter. Alors à revoir s'animer la nuit, je veux bien croire à leur clarté. Mais loin de vaciller, mon amour immobile garde des nerfs d'acier. Si certains soirs l'appel de la vie est plus fort que tous les regrets, j'ai tous les pouvoirs, toutes les envies, et je détiens tous les secrets. Au loin peuvent briller les lumières de la ville. Je suis déraciné, loin de toi. Thank you. Dommage qu'il faille qu'on triche avec tous nos chagrins. Je me suis tellement blessée, je me suis tellement maudite, je me sentais violée, diminuée et petite. Je m'étais tellement perdue dans une flamme allumée. J'ai une longueur d'avance sur toute l'éternité. Ah, j'ai du mal à vous le dire, tellement honte d'en sourire. Ah, heureusement j'ai eu mal, tout ça était fatal. Je me suis tellement volée, je me suis tellement faite mal. Ça me fait rire qu'à moitié, ça me fait rire en silence. S'il me reste un sanglot, une petite lampe allumée dans mon âme, je les offrirai aux autres. Je me suis pardonnée. Force vraiment composer, ce qui est pas une mauvaise idée, mais dans une direction plus pop, en ajoutant un groupe derrière. Donc Si tu veux, le troisième album qu'on a fait, qui est très, il y a des belles chansons, mais on devenait un groupe vocal avec un groupe pop derrière, donc c'était comme, il y avait Les Innocents, il y avait plein de groupes qui faisaient ça, et on devenait beaucoup moins originaux. Okay. Donc, à mon avis, ça a suscité un peu moins de succès, et surtout, au sein du groupe, ça a fait trop de tensions. Trop de tension artistique et humaine, et on a quitté en se disant, écoutez, on prend quelques années et puis on verra plus tard. Et puis voilà, ça a duré, et puis on n'a jamais vraiment recollé les morceaux, même si on est toujours amis, enfin voilà, mais chacun a pris son chemin, et aujourd'hui ça serait très difficile. Ah, c'est ça que j'allais voir, bon, Non, parce que chacun a son chemin. Et sur scène, est-ce que tu reprends des chansons de Power, ça m'arrive. Ok. Est-ce que c'est des demandes ou Ah oui. Ok, ah oui. Hein. Mais ça m'arrive de reprendre Devenir Cheyenne. Oui. Et puis je suis en train d'imaginer une façon de un medley de... Non, pas un medley, okay. mais le chat, mais orchestré avec mon groupe, ça peut bien marcher. Voilà. Parce que je suis conscient de ce que les gens veulent, aiment et ont aimé. Et moi, le premier, qui suis fan, quand je vais voir un groupe que j'ai aimé, tu veux réentendre. J'adore quand ils font leur succès aussi, quoi, tu vois. Donc je sais très bien. Et par wow, comme les alligators, je ne renie pas, au contraire. Hey, je veux te parler de quelque chose parce que sur Facebook, tu en as parlé avec une grande joie. Puis Johnny Hallyday. Ah oui, Johnny, oui, c'est sûr. Puis, tu l'as vu en spectacle? Non, non. Ah si, je l'ai vu en spectacle. Je crois que tu me disais que tu le fais en spectacle. Non, mais tu l'as vu là. Il y a 10 jours. Oui, et puis? Ah ben, c'est super. C'était magique. Et tu l'avais vu aussi dans les années 76, est-ce que tu me disais? 76. 76, et puis? Et après 80 aussi. OK. 76 et 2012. En 76, il avait encore toutes ses jambes, parce que tu sais, là, il a des prothèses des hanches, il a deux prothèses de hanches, Johnny. Ah. C'est pour ça qu'il bouge beaucoup moins maintenant, depuis des années, que moi, quand je l'ai vu en 76, c'était avant. C'était le Johnny des années 60 encore. C'était super. Et 2012, je trouve que c'est un magnifique concert, un magnifique choix de chansons. Mais est-ce que tu dis ça avec un point de vue pour l'âge de Johnny, c'est excellent? Il y a de ça, parce que c'est vrai qu'à presque 70 ans, c'est assez étonnant qu'il revienne. C'est ça, hein, 72? Non, il a 69. OK. Donc il a presque 70. Oui, ça sent bien. Mais bien sûr, il y a ça, parce que c'est une performance, surtout revenant d'où il vient, de ce qui s'est passé pendant deux ans, comment il a été malade et tout ça. Moi, je pensais pas le revoir sur scène avec une telle énergie, un tel plaisir de chanter et ces chansons-là. Donc, c'est magique. Mais au-delà de l'âge qu'il a, de toute façon, c'était un excellent concert. Magnifique voix, plaisir d'être là, enfin, vraiment. Et quand il prend sa guitare et qu'il chante tout seul nos 30 années, c'est... Et c'est ça que tu dis, là, tu vas voir un concert en voulant réentendre ce que tu as aimé. Donc, ouais. Johnny Hallyday, c'est ce qu'il t'a donné. Donc, ouais. Quand tu vas toi aussi offrir ça à ton public, le public, j'espère qu'il va chanter du Power ou des Alligators. Alors, je chante, oui, de Power, je chante aussi une reprise qu'on faisait du Golden Gate Quartet. Oui. C'est Run On, il met Run On for Run. Et ça, je l'ai fait tout seul à cappella. Et là, ça, c'est vers la fin, hein? C'est ce que les gens... Et c'est marrant, parce que... Il y a deux jours, ça m'est venu en chantant comme ça, et j'ai enchaîné avec Surfing Bird. Tu vois, et ça a mis le feu, quoi. Les gens dansaient, j'étais tout seul avec ma voix, et les gens dansaient. C'est super. Mais c'est quand même à cappella, surtout, c'est assez. Et en fait, si tu fais de la chanson, c'est pour faire plaisir aux gens, c'est pour leur faire oublier des moments difficiles. Non. Thank you. vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Au Louvre où je me trouve, il y a de jolies filles qui, depuis qu'elles s'y trouvent, ont la vie plus facile. Elles ont franchi les ans sans pudeur et sans voile, et sourient aux passants en couleur sur la toile. Mais que sont-elles devenues? Où dorment-elles aujourd'hui? Elles qui ont posé nues quand elles étaient jolies. Au Louvre, au Louvre, au Louvre, je les approuve. Ceux qui reviennent souvent, devant ces filles pauvres, des yeux toujours plus grands. J'aimerais tant un soir me laisser enfermer et dans ces longs couloirs enfin débarrasser de la foule des grands jours qui sans arrêt s'y pressent, assez belle sans à tout dire toute ma tendresse. Au Louvre, au Louvre. Sur une grande toile blanche qu'on ne peut encadrer, et personne le dimanche ne viendra admirer la courbe de ses hanches, la finesse de ses traits. Au Louvre, au Louvre, au Louvre, au Louvre. Chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.